Dossier 5. Livre, page 66. Question A. 1. Tu as fini le devoir de maths, Youssef ? Oui, maman, je vais te le montrer. 2. Allô, Nadia ? Je suis à la librairie. Qu'est-ce qu'il te faut ? Une trousse, un cahier et des crayons de couleur, maman. 3. Pourquoi vous ne jouez pas aux cartes avec eux ? Nous n'avons aucune idée sur le jeu.